Llevo un regalo, fam. Fam que fa la poesía. Él establece una distinción entre valía y la altitud. Él establece una distinción entre el amor y el amor. Él establece una distinción entre la fuerza y la tendereza. Llevo un regalo, fam. Avec colère, avec joie, avec ce que vous êtes. Je vous regarde, femme, votre silhouette subtile, votre silhouette femme, votre silhouette sublime. Femme qui fait la poésie et elle établit une distinction entre les valeurs et l'altitude. Femme qui fait la poésie et elle établit une distinction entre la beauté et la beauté. Femme qui fait la poésie, elle tient les douleurs plus fort. Pour la sève, votre enfant regarde la lumière du monde. Tracé de toute libération, tracé de toute excitation, tracé de l'amour dans l'harmonie, tracé à s'ouvrir. Femme, les yeux de toutes les couleurs, femme, avec des fenêtres à l'âme. Femme, les larmes sont l'expression. Femme qui fait la poésie, elle établit une distinction entre les valeurs et l'altitude. Elle établit une distinction entre l'amour et l'amour. Elle établit une distinction entre la force et la tendresse. Je vous regarde, femme, avec colère, avec joie, avec ce que vous êtes. Je vous regarde, femme. Je vous regarde. Le cavalier.